Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour l'instant santé et bien-être avec les secrets de Mathilde. Aujourd'hui, j'ai envie de parler shopping. Mais le shopping responsable, le shopping d'occasion. En tant que femme, j'avoue avoir un dressing qui déborde. Déborde d'habits que j'ai depuis des années et que j'ai du mal à me séparer. J'ai toujours adoré les fringues, comme la plupart d'entre nous. Étant donné le budget que cela représente et l'éthique qui n'est pas très présente dans la plupart des magasins connus, je me suis dirigée petit à petit vers du shopping d'occasion. Pour le bien-être de la planète, mais aussi de mon porte-monnaie. À présent, je me rends souvent dans les Emmaüs, les friperies et même sur des sites spécialisés style Vinted où l'on peut vendre les vêtements qui nous plaisent plus ou acheter à moindre coût tout en redonnant vie à un vêtement. Je n'ai jamais trop aimé les choses neuves en général. La récup, c'est la vie. Cela dit, ça n'interdit pas de s'offrir des choses neuves. Par contre, histoire de faire durer vos achats dans le temps et de faire une bonne action par la même occasion, il est préférable de privilégier des marques ou des créateurs qui proposent une approche durable, éthique et responsable. Mais de plus en plus de marques qui se disent éthiques, responsables et écolo, mais attention, essayez de vous renseigner sur la durabilité de la production, l'éthique mise en place avec leurs employés, la qualité des matières utilisées et surtout que ça corresponde à vos valeurs. Donc oui, parfois je me fais un petit plaisir de choses neuves, mais j'encourage vraiment à consommer autrement. Une journée entre copines, plutôt Emmaüs, Fripe que H&M et Mango. C'est tout aussi agréable et d'autant plus quand on aime un peu fouiner. Je vous parle de vêtements, mais je fonctionne de la même façon avec les meubles, la vaisselle, les téléphones. Toujours à la recherche de choses de seconde main, que l'on peut customiser derrière. Et l'on sait que ça a vécu et souvent la qualité est meilleure avec un coût très intéressant. Donc consommez autrement pour le bien-être de la planète et de notre porte-monnaie. Je vous souhaite une très belle journée, retrouvez-moi sur ma page Facebook Les Secrets de Mathilde et sur Radio Gémozo tous les vendredis à 8h et à 13h30. Très belle journée!